On va parler de golf, on va se réchauffer un peu. C'est moins 30 actuellement à Chibougamau, à Modolbeau-Mistassini. Je vais regarder ça à l'instant. Ça doit être autour de moins 25. On va parler avec Michel Lallemand du club de golf. Moins 17, une grosse différence. Tiens, moins 17 à l'époque, au moment où on enregistre le podcast. C'est quand même pas chaud. On va parler avec Michel Lallemand, l'ex-directeur général du club de golf de Chibougamau. Salut Michel! Bonjour Denis. Michel, je voulais, ça me tentait de te parler un matin parce que je sais qu'on est actuellement, vous êtes en pleine période de recrutement pour te remplacer. D'abord, comment ça va? Avez-vous eu beaucoup de CV? Dans le moment, on a 6 candidatures qui ont été déposées. Le comité de sélection s'est réuni hier et des entrevues vont être menées là. Possiblement là, d'ici la fin du mois de février pour espérer une éventuelle rentrée en poste d'une nouvelle personne au mois de mars. OK. Allez, ça me fait de la peine. Pour ça, j'ai décidé de t'appeler parce qu'on a eu une bonne collaboration depuis des années. Michel, comment tu trouves ça quitter? Ça fait quand même plusieurs années que tu étais président, directeur général du club de golf. Oui, non, ça fait tout près. Là, j'ai toujours été impliqué, d'ailleurs, au niveau du club de golf. Ouais. Depuis qu'on est ici, au centre-ville, j'ai occupé à peu près toutes les fonctions. Président, capitaine, responsable des tournois. Et depuis les 11 dernières années, j'étais le directeur général. OK. Comment tu trouves ça? Ça te fait... Tu t'en payes toi-même, ça fait plusieurs années que tu penses à ça. Mais comment tu trouves ça? Est-ce que tu trouves ça dur un peu? Non, disons que Danny, d'abord, c'est que j'étais prêt parce que quand j'ai demandé et obtenu le renouvellement de mon contrat, j'avais dit que ce serait pour les deux dernières années. Donc, le 31 décembre 2020 était ma date de tombée. J'ai le goût de faire d'autres choses. Je te dis pas que je travaillerai plus puis que je ferai plus rien. Okay. Mais là, après 11 ans, là, je pense aussi, honnêtement, qu'au niveau du club, on s'en va vers une nouvelle ère. Okay. Il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent au niveau du club de golf. Il y a une relève qui est après s'amener progressivement. Et possiblement la venue d'une nouvelle personne au poste de directeur général va peut-être faciliter la présentation de nouveaux événements, peut-être une vue différente au niveau de la pratique du golf. Non, je suis bien à l'aise avec ça. Et je l'ai dit aux membres du conseil d'administration, je m'en vais pas. Ben je demeure à Chibougamau. Je vais demeurer un membre un peu plus actif que je l'étais, mais certainement toujours aussi actif, toujours intéressé par la pratique du golf sur un magnifique parcours dont on dispose ici à Chibougamau. OK. Ton meilleur souvenir, ta plus grande fierté, c'est quoi? Je pense que la stabilité du club, autant au niveau financier qu'au niveau opérationnel, depuis les 6-7 dernières années, avec les hauts et les bas dans le domaine du golf, on a toujours réussi à se maintenir à tout près de 190 membres, dont 150 adultes, et ce, provincialement. Pour un trou, c'est pratiquement un exploit. Okay. On a aussi administrativement toujours réussi à bien gérer nos équipements. Tu sais, chez nous, la bâtisse principale, c'est notre moteur économique pour notre club de golf parce que notre participation journalière, là, c'est minime par rapport à un club de golf régulier, si on pourrait dire. Okay. Donc, maintenir la situation financière, continuer d'améliorer au fil des ans notre terrain, nos équipements et continuer d'avoir une bonne pratique du golf dans un climat très serein qui beaucoup, beaucoup de belles rencontres au cours de ces 11 dernières années. Ah, c'est clair, c'est clair. Tom, puis voir un gars comme Pierre-Alexandre, c'est quelque chose, je veux dire, t'sais, t'sais, meilleur golfeur, puis avec part, c'est une fierté aussi, là. Ah, écoute, Pierre-Alexandre, depuis qu'il y a 4 ans que je le côtoie ici au club de golf, je l'ai vu évoluer tout le long. J'ai été responsable des juniors dans ses premières années. Non. Puis de voir où ce qui est rendu, un des meilleurs golfeurs au niveau du Québec et du Canada, surtout de voir à quel point il est demeuré un gentleman. À tous les années, il continue à venir voir ses parents, ses amis, à venir jouer ici, sur notre terrain, avec des amis, avec d'autres gens, côtoyer tout le monde, toujours au même diapason. Il sait pourquoi on en fait un modèle et que j'ai toujours été un ardent promoteur du développement du golf chez les jeunes. Je m'enorgueillis d'avoir, depuis les 6 7 dernières années, toujours maintenu une cinquantaine de jeunes dans notre programme junior, et on a toujours eu, au cours de ces années-là, une belle relève. On a beaucoup de bons jeunes, autant chez les garçons que chez les filles, qui sont des membres actifs, autant au niveau de la compétition que de la pratique du golf. Et ce sont des forces pour notre club de golf. Ok. Là, tu vas faire quoi, là? Là, dans le moment, je n'ai pas de plan, je n'ai rien. Ok. J'ai le goût de faire d'autres choses. Ok, mais à Je ne sais pas Chibougamau, il n'y a pas quoi. grand-chose à faire. À part que, ben, Non, je veux pas insulter ça Chibougamau, là. C'est pas dépend. ça, que je veux te dire, là. Non, mais j'ai pas besoin de rien non plus. Ok. J'ai pas des grandes attentes au niveau monétaire. J'ai pas des besoins majeurs. Ce que je veux, c'est profiter de la vie. Je te dis pas non plus que je ferai rien. S'il m'arrive des propositions intéressantes qui peuvent se mixer avec la qualité de vie que je veux avoir, ça va me faire plaisir. Sinon, je vais profiter de la vie. Cet hiver, je fais de la raquette 4 5 fois par semaine. Je profite du grand air. Cet été, je vais faire encore du golf quotidiennement. J'ai un de mes garçons ici avec deux de mes petits-enfants. J'en ai un autre à Chicoutimi. Je vais voyager. Je vais faire des voyages de golf, certainement au niveau du Canada. Il y a des coins de pays Ben là, que je veux aller visiter. ils veulent interdire les voyages. Fait qu'oublie ça, là. Oh, mais Danny, la vie, elle va reprendre son cours, là. Oh, regarde, je te. La vaccination va nous ramener dans des conditions qu'on avait. Je sais qu'il y en a qui sont négatifs, mais moi, je suis un éternel optimiste positif. Puis la qualité va reprendre, là. Non, non, il faut pas arrêter de vivre. Faut pas s'en Ben aller non, d'un pas, surtout pas bunker. arrêter de vivre, je Il suis le premier à le faut dire, pas être regarde. un survivaliste, là. Maintenant, je suis le premier à le dire que la vie, c'est pas juste le COVID, là. Puis la santé, c'est pas juste le COVID, là. Je suis le premier à le dire. Si tu me suis sur les médias sociaux, je suis le premier à dénoncer tout ce qui se passe. Donc, Michel, en tout cas, ça me fait un peu de peine de te laisser. Là, quand est-ce que ça va être nommé? D'ici 2 3 semaines à peu près? Quand on va voir Devrait te nommer. Le conclave puis il va y avoir une fumée blanche qui va sortir du club de golf de Chibougamau. Oh oui, il va avoir une nomination officielle. D'un premier temps, il faut que le conseil d'administration tienne des entrevues, établisse une personne, et après ça, le conseil d'administration aura entériné la recommandation du comité de sélection. Ça devrait se faire normalement au mois de mars. D'ici à ce temps-là, les rassemblements un petit groupe devrait être permis et on pourra tenir un prochain conseil d'administration. OK. Ben Michel, bravo, félicitations, je te remercie pour toutes tes années que, écoute, t'es un des premiers collaborateurs du club de golf de Chibougamau, tous les jeudis matins. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ça le jeudi matin, entre autres. Moi, ça me fait un peu de peine. J'espère qu'elle continue la collaboration. Je sais pas si l'eau va être aussi ouverte que moi, là, que toi, je veux dire, je l'espère grandement. C'est sûr que c'est pas des chroniques super écoutées, mais ça s'adressait pas à beaucoup de monde non plus, nos chroniques, faut le dire, là. Donc, Non, mais Danny, bravo, merci. moi je Oui. suis. Pardon? Moi, je suis le premier à te remercier parce que c'est toi qui m'as ouvert cette porte-là de notre collaboration. Ça a toujours été très apprécié. Puis même si on ne touche pas un grand auditoire, le fait que tu propages la qualité de notre club de golf, le dynamisme de notre club de golf, l'accessibilité de notre club de golf, ça se reflète partout dans ton émission. Il y a beaucoup de gens de Beaumont-Sassigny, du secteur de Saint-Prime-Roberval, qui me parlent régulièrement. Et à tout bout de champ, notre collaboration est amenée sur le sujet. Et tu peux t'espérer et assurer que je vais transmettre ton ouverture à mon ou à ma successeur. Ouais, c'est ça. Donc, Michel, merci beaucoup. On va s'en reparler off the record pour quand même assurer la continuité. J'aimerais ça que vraiment que ça se poursuive. Ça fait quand même 12 ans que ça se poursuit. Fait que Dan Radio Sport existe. Puis c'était une des premières chroniques. Donc, merci, Michel. Bonne semi-retraite. On pourrait dire une semi-retraite, genre. Puis au Oh plaisir de s'en parler. oui. Voilà, Un grand c'est. merci encore, Danny, puis bonne continuité à toi dans ton travail de représentant sportif. Bien apprécié. Au plaisir. Voilà, donc c'était l'ex-directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel.